seul moyen pour nous cap sauver. Pour ne pas négliger. ka plante patat, plante kokoye. Fouye tout an kapab, wal plante kibo e babo. Fouye tout an kapab, wal plante kibo e babo. Kompet si bo fo pa egoist, pou mette men kusha e la patrolou. Fouye tout an kapab, wal plante kibo e babo. Fouye tout an kapab, wal plante kibo e babo. Kompit la sofa sofa.